Ah, c'est sans venir. J'ai mangé tous les chocolats. J'ai fumé tous les cravanas. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Je ne fais que des bêtises quand t'es pas là. Oh punaise. Non. Banane? Pourquoi faire une banane? Je ferais quoi d'une banane? Hein? Non, peut-être pas. Ok Magnus, I follow you. Enfin, I try. Thank you. Mm-hmm.